Leçon 3. Activité 2 et 3. Page 78. Piste 59. Quel temps fait-il ce week-end? Samedi, il fait du soleil. Mais, dimanche, il fait du vent. Samedi, il fait super beau. Alors, on va faire du foot au parc, ça te dit? Génial. En plus, j'ai un nouveau ballon.